Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être fidèles au rendez-vous hebdomadaire que je vous donne sur RQC chaque mardi de 9h à 11h30. RQC 95 FM, pardon, 95 FM, la dernière radio libre de la région de Moucron. Je rappelle que comme chaque mardi matin, chaque semaine à pareille heure, c'est votre ami Michel qui vous tient compagnie pendant les 2h30 qui vont suivre. L'émission que je vous propose d'écouter, c'est Patchwork. Patchwork est une émission qui vous fera voyager en chanson à travers de nombreuses décennies passées. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que ce mardi 5 décembre, veille de Saint-Nicolas, a bien commencé pour vous. Et sans plus tarder, on va commencer cette émission par une chanson datant d'avant les années 60. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire écouter un titre que Guy Béard avait composé et enregistré en 1957. Guy Béard nous a quittés discrètement il y a tout juste 2 ans, à l'âge de 85 ans, victime d'une crise cardiaque dans la rue en allant chercher son pain à pied. La chanson « Bal chez Temporel » avait à l'origine été composée pour Patachou, qu'il a donc aussi interprété. Mais aujourd'hui, c'est la version de Guy Béard lui-même que je vous propose d'écouter. Elle a été enregistrée en 1996 lors de son passage triomphal à l'Olympia. Je vous laisse pour environ 3 minutes en compagnie de Guy Béard. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Une rencontre au bord de l'eau ne reste que 4 initiales et 2 cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. sur le vieux comptoir. Tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos vingt carats qui depuis se sont fait la paire. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux doigts qui tous ont laissé quelque je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé et pour que tu le reconnaisses. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre. Et après Guy Béard en 1957, on passe maintenant aux années 60 avec l'un des groupes anglais les plus importants de cette décennie-là. Je veux parler des Who. Les Who que vous avez pu entendre il y a quelques instants dans l'ouverture de leur opéra rock Tommy, qui me sert d'indicatif chaque semaine. En 1967, deux ans avant Tommy, les Who avaient sorti l'un de leurs plus grands tubes, une chanson apparemment innocente, puisqu'elle s'intitule « Pictures of Lily », en français « Des photos de Lily ». Cette chanson se hissera vite à la quatrième place des charts britanniques, non pas grâce à ses paroles, qui évoquent en fait la masturbation, mais en raison de la virtuosité de l'instrumentation. L'idée du texte de la chanson est venue à Pete Townshend, l'auteur-compositeur du groupe, en voyant sur le mur de la chambre de sa copine de l'époque une photo de Lily Langtry. Lily Langtry, une actrice décédée en 1929, comme cela est précisé dans la chanson. Un petit garçon, en l'occurrence Pete Townshend lui-même, souffre d'insomnie récurrente. Il en parle donc à son père, qui lui offre des photographies de Lily, que l'enfant accroche au-dessus de son lit. Le terme « masturbation » n'est pas prononcé dans la chanson, mais il est fortement sous-entendu. Le refrain dit que, par le narrateur, que je cite, c'est « les photos de Lily rendent ma vie si merveilleuse et résolvent mes problèmes d'enfant ». Ni de non plus, c'est qu'à le dire, le jeune garçon demande à son père où il pourrait rencontrer la jolie Lily, et son père lui annonce alors qu'elle est morte depuis 1929. Le garçon pleure alors toute la nuit la mort de Lily. Mais assez bavardé comme cela, voici donc ces fameuses Pictures of Lily datant de 67. Je vous laisse pour 3 minutes en compagnie de Who, et c'est un vinyle. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, I need some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily help me sleep at night. Pictures of Lily solved my childhood problem. Pictures of Lily help me feel alright. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. My dad, will Lily Robert Charlebois a 73 ans aujourd'hui, il est né à Montréal et vit toujours à Montréal en 2017. Charlebois est un géant de la chanson québécoise, tout comme Félix Leclerc ou Gilles Vigneault. Hein. Pendant 12 ans, dans les années 90, il a été très actif dans le domaine de la bière. Il a produit alors sa propre bière dans des micro-brasseries. C'est anecdotique tout ça. Charlebois a été connu dès 68 en tant que chanteur, il a alors seulement 24 ans, après son quatrième album dans lequel se trouvait notamment sa chanson Lindbergh, Lindbergh qu'il interprétait en duo avec Louise Forestier. Un an plus tard, il passe déjà à l'Olympia à Paris alors qu'il n'a que 25 ans. Les années 70 sont sa grande période de création et ensuite son inspiration deviendra, disons, moins évidente. Hein. Aujourd'hui, c'est une très belle chanson datant de 1976 que j'ose écouter. Elle s'intitule « Je reviendrai à Montréal ». Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre. Où viennent se poser des ondes. À Montréal, écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs. Qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal. Me marier à avec l'hiver. Myriam Lopez, qui est d'origine portugaise, est née au Congo belge il y a 60 ans de cela. Elle arrive à Paris alors qu'elle n'a que 6 ans, avec ses parents qui vivent alors dans un hôtel vétuste situé dans le 20e arrondissement. Ses parents en font un restaurant portugais où on chante également des fados. La petite Myriam, elle s'y essaie donc aussi et elle est vite repérée par un client qui est dans la profession. On lui fait enregistrer alors un premier disque en 76, un disque qui remporte un succès assez moyen, sous le pseudonyme de Marie Myriam. La jeune chanteuse, qui n'a pas encore 20 ans, est sélectionnée dès février 1977 pour l'Eurovision, qui doit se dérouler cette année-là à Londres, et elle remporte le Grand Prix avec sa chanson « L'oiseau et l'enfant ». C'est d'ailleurs la dernière fois que la France a gagné l'Eurovision, hein, plus de 40 ans de cela. Marie Myriam dira plus tard avec pas mal d'humour « Je suis allé en bus à Wembley et je suis revenu en Rolls ». Aujourd'hui, c'est une chanson datant de 80 que je vous propose d'écouter. Elle a pour titre « Los Olvidados », en français « Les Oubliés », un titre emprunté à un film célèbre de l'espagnol Luis Buñuel. Je vous laisse pour 3 minutes 50 en compagnie de Marie Myriam. Olvidados, n'ont plus d'étoiles au fond des yeux. Pour tout royaume, ils n'ont que le pavé des rues. Et leurs fantômes, bien avant eux, marchaient pieds nus. Los olvidados brûlent de fièvre, même quand il pleut. Los olvidados ne jouent qu'à des jeux dangereux. Ils ont la rage au fond du cœur, au bout des mains. Leur nuit n'a pas de lendemain. Los olvidados, petits mendiants de grand chemin. Los olvidados, tendent les bras mais pas la main. Et s'ils vous volent, ils se sont fait voler aussi. Cédant pour œil, on leur a volé leur vie. Volé leur vie. Los olvidados, quand ils fument un peu d'herbe bleue. Los olvidados, c'est pour faire croire qu'ils sont heureux. Ils vous méprisent si vous leur caressez la joue, mais ça les grise au point de tomber à genoux. Los olvidados, petit pierrot tombé du ciel. Los olvidados, n'ont pour amis que le soleil. Ils vous regardent plus fiers que veulent être un roi, mais sous leur arde ils ont un cœur gros comme ça, gros comme ça. Los olvidados, des printemps de fin d'automne. Los olvidados, ce sont les enfants de personne. Los olvidados, entre les vagues d'un terrain. Los olvidados, savent bien qu'ils sont nés pour rien. Los olvidados. Demis Roussos a vendu plus de 60 millions de disques pendant toute sa carrière, car il avait du succès dans toute l'Europe et surtout en Allemagne, où il était devenu une véritable star. Sa carrière en solo avait débuté en 71 après la séparation d'Aphrodite Child, Vangelis, l'autre vedette du groupe, se consacrant depuis cette année-là à la composition de musique de film. Demis nous a quitté début 2015, à l'âge de 68 ans seulement, victime d'un cancer généralisé. En 1993, il avait enregistré une chanson dont la musique était signée de son vieux complice, donc un Vangelis Papathanasiou, qui composait déjà les musiques de tous les tubes d'Aphrodite Child. Cette chanson faisait partie d'un album intitulé Adagio, un album sorti donc en 93, comme je l'ai dit. Dans cette curieuse chanson, Demis chante dans une sorte de langage mélangeant roumain et latin. En fait, il s'agit plutôt de pseudo-latin, un pseudo-latin ressemblant plutôt à d'italien, d'où le titre de la chanson, Italian Song. Excusez-moi, il y a une erreur, c'est pas la bonne chanson. Voilà. La franco-anglaise Émilie Loiseau joue du piano depuis ses 5 ans. Hein. Elle en a aujourd'hui 42 et pendant ses études musicales, elle a beaucoup pratiqué la musique classique. Ensuite, elle a fait 3 ans de théâtre et elle décide en 2001, à 26 ans, de se consacrer à la chanson. Le succès vient 5 ans plus tard avec son premier album, L'autre bout du monde. Depuis, Émilie Loiseau a déjà 3 autres albums à son actif, Pays sauvage, Mothers and Tigers et aussi Mona, le tout dernier, qui est sorti en 2016. Émilie Loiseau aime bien faire des reprises d'anciennes chansons d'autres artistes. Hein. Ainsi, elle a repris La Complainte des filles de joie de Georges Brassens ou encore Make You Feel My Love de Bob Dylan. Mais aujourd'hui, c'est sa reprise de la chanson du film Ça n'arrive qu'aux autres que je vous propose d'écouter. Cette chanson qui date de 71 avait été composée et interprétée par Michel Polnareff à l'origine. Mais aujourd'hui, c'est la version 2006, celle d'Émilie Loiseau qu'on va écouter, si vous le voulez bien. La petite bête jouait au jardin.

Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris, quand Yves Montand qui sourit, les chante et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson, les compagnons, ding ding dong. Ça c'est du musical, on dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours, toujours l'école, ça restera toujours l'école, où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir en se fendant de larmes ou de rire. Voilà pourquoi la demi-sole, j'aimerai toujours le musical, j'aimerai toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, le musical. J'aimerai toujours le musical. Le compositeur italien Nino Rota est mort en 79, à l'âge de 67 ans seulement. Il a composé de nombreuses musiques de films pour Federico Fellini, comme La Strada ou bien encore 8 et demi, mais aussi pour Luchino Visconti, comme la musique du Guépard ou encore la célèbre musique du Parrain de Francis Ford Coppola. En tout, il a composé la musique d'environ 170 films, ce qui est considérable. En 68, le réalisateur italien Franco Zeffirelli demande à Nino Rota de composer la musique du film Roméo et Juliette qu'il s'apprête à tourner. Nino Rota se met immédiatement au travail et il compose l'une des plus jolies musiques de film qu'il ait jamais écrite. J'ose écouter le thème de l'amour, extrait de la très belle bande sonore de ce très beau film Roméo et Juliette. C'est donc à l'instant un extrait de la musique du film Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli, un film datant de 68 et dont la superbe musique avait été composée par l'italien Nino Rota. Ce film, qui a recueilli à l'époque 2 Oscars, avait suscité une controverse lors de sa sortie car on y voyait les deux acteurs principaux nus. Or, ils étaient tous les deux mineurs. Leonard Whiting, qui jouait le rôle de Roméo, donc n'avait que 17 ans à l'époque, et Olivia Hussey, qui incarnait une très jolie Juliette, n'avait alors que 16 ans. À noter que Paul McCartney avait été pressenti par le réalisateur Franco Zeffirelli pour jouer le rôle de Roméo et Juliette, de Roméo donc. Hein. Mais le chanteur avait alors refusé le rôle. Je crois qu'il a bien fait. Hein. C'est donc notre petite séquence cinéma de ce mardi 5 décembre. Et on passe maintenant aux années 70 avec Michel Polnareff. Michel Polnareff qui a aujourd'hui 73 ans et qui avait fait à 22 ans des débuts retentissants avec La poupée qui fait non en 66. Dès le mois d'octobre de cette année-là, il faisait la première partie des Beach Boys à l'Olympia avant d'y revenir en vedette, cette fois-ci en 70. Fame à la mode est son cinquième album studio. Cet album entièrement chanté en anglais est sorti en 75, alors que Polnareff s'était exilé aux USA pour des raisons fiscales. Il essaie alors de se faire connaître aux États-Unis avec cet opus, mais sans grand succès. Hein. Et cela malgré le mini-scandale provoqué par la chanson qui va suivre, Jesus for Tonight, Jésus pour cette nuit, car il y était dit « Laisse-moi être ton Jésus pour cette nuit ». C'est beaucoup de sous-entendu. Hein. Une chanson qui sera censurée aux États-Unis à l'époque. Hein. Je vous propose de l'écouter ici sur RQC où, heureusement, la censure n'existe pas. If I could, I'd take all the signs in your life. Throw it on my back and hold it away. If I could, I'd take all the tears you ever cried, pour them in the sea, and that's where they'd stay. Let me be your Jesus for tonight. Let me make you believe. I'll turn your tears to smiles like water. Sun or the moon, but love is shining through me, and I know that I can help, and I know that I can heal some of your wounds. Let me be your Jesus for tonight. Let me make you believe. I'll turn your tears to smiles like water. passe maintenant aux années 80 avec Gilles Kaplan. Gilles Kaplan qui en 1987 s'était distingué avec son tout premier album intitulé À peine 21. 21, c'était 21 ans l'âge qu'avait la chanteuse à l'époque. Hein. La jeune femme avait rencontré donc 2 ou 3 ans auparavant le producteur et compositeur G.A. Lansky, qui l'avait littéralement prise sous son aile. Hein. Avec son premier album, Gilles Kaplan séduit très vite un large public avec sa diction et son timbre de voix très particulier. Mais la vraie notoriété viendra seulement en 90 avec son grand tube « Tout ce qui nous sépare ». Aujourd'hui, c'est une chanson extraite de son premier album, le tout premier, donc celui de 87, que je vous propose d'écouter. La chanson en question s'intitule « Oh, tous les soirs ». Je vous laisse pour 3 minutes en compagnie de Gilles Kaplan. Soyez sages, hein. À l'occasion de la mort de Che Guevara, des admirateurs du guerriero avaient réuni 12 chansons dans un album intitulé donc El Che Vive. En français, le Che est vivant. Hein. Dans cet album, on trouvait des chansons d'artistes qui étaient déjà morts en 97, comme l'argentin Atahualpa Yupanqui ou encore le cubain Carlos Puebla. Carlos Puebla qui avait écrit la célèbre chanson Hasta Siempre, Comandante. Hein. Ou encore, il y avait aussi des artistes vivants, heureusement, dans cet album, comme la vénézuélienne Soledad Bravo, ou encore le français Mathieu, dont je ne sais pas grand-chose, hein, sinon qu'il chante très bien cette chanson hommage au Che, intitulée A que camino, A le chemin du Che en français. Cette année, ça fait déjà 50 ans qu'on a assassiné le Che. Hein. Soy un hombre nacido allá en la pampa lejana. pero mi sueño querido es la patria americana. No tengo tierra ni casa, no tengo nombre ni edad. Soy como el viento que pasa, un viento de libertad. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. No quiero estatuas de honores, no quiero versos de llanto. Echen al viento las flores, mi patria o muerte es mi canto. Camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Émilie Simon est née en juillet 78 à Montpellier, où elle a passé toute sa jeunesse. Son père était ingénieur du son et c'est donc tout naturellement qu'Émilie s'oriente vers des études musicales. Elle se fait très vite un nom dans la musique dite électronique, mais il ne faut surtout pas cantonner Émilie Simon à ce genre musical très particulier, car ses productions sont vraiment très variées. Écoutez plus de cet extrait du bonus de son premier album qui date de 2003, un album qui a obtenu une victoire de la musique très méritée en 2004. L'extrait en question a pour titre « Femme fatale » en français dans le texte. Et il s'agit d'une reprise d'une chanson du Velvet Underground datant de 67. Le Velvet Underground, ce groupe de rock américain new-yorkais, né au milieu des années 60 et très lié à Andy Warhol, qui d'ailleurs avait produit le groupe. Le regretté Lou Reed était le membre le plus connu du Velvet Underground. Mais aujourd'hui, c'est la version enregistrée par Émilie Simon en 2003, de cette fameuse femme fatale que je vous propose d'écouter. Here she comes. You better watch your step. She is going to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you. Just put you down. RQC. Je danse et je plais. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. Ta génération. De cette lieu, petit frère peut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. RQC. Et on change maintenant complètement le genre musical en revenant dans les années 50 avec Frank Sinatra. Sinatra qui est mort en 98 à l'âge de 82 ans. Sinatra était d'origine sicilienne par ses deux parents. Il commence à avoir du succès comme chanteur à seulement 28 ans en 1943 avec l'appui de la mafia italienne, diront certaines mauvaises langues. Tout comme Dean Martin, Sinatra restera toute sa vie très attaché à son pays d'origine, l'Italie. Mais aujourd'hui, c'est Londres qu'il va évoquer. Dans cette chanson datant de 58, une chanson intitulée « London by Night », elle est extraite de l'album « Come and Fly with Me », sorti l'année de ses 43 ans à Frank Sinatra. London by night is a wonderful sight. There is magic abroad in the air. I'm often told that the streets turn to gold when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems seem to wink at each girl and her beau. Up comes the moon when the city's asleep. He's not alone, for it seems. Somewhere up there stands an angel to keep her watch, while each Londoner dreams. My love and I saw the sun leave the sky. Then we kissed in the fast fading light. Most people say they love London by day, but lovers love London by Le 21 décembre 1959, Barbara apprend que son père, Jacques Cerf, qui avait quitté Paris 10 ans plus tôt pour Nantes, sans laisser de nouvelles, et elle apprend donc que son père est mourant à l'hôpital de cette ville de Nantes. Elle s'y rend tout à fait cessante et elle arrivera trop tard.

Dire Straits avait connu des débuts difficiles et ça a influé sur le choix du nom du groupe. En anglais, to be in dire straits, ça signifie être dans la dèche, être dans une situation financièrement désespérée. C'est Mark Knopfler qui composait tous les titres donc joués par le groupe. Mais le plus grand succès de Dire Straits date de 78. La chanson en question s'intitule Sultans of Swing et elle rend hommage à tous les musiciens de bar et de cabaret. Good night, now it's time to go home.

dit oublie-moi, qui me supplie, va-t'en, ça vaut mieux pour tous les deux. Chacun son chemin, même s'il est triste, chacun son chagrin. Adieu l'artiste. Et sur le trottoir, je m'en vais comme ça, main dans les poches, je rentre chez moi, maréchal Foch, au bar tabac, je prends un café et ça me brûle. On n'oublie jamais, on accumule. J'aimerais arrêter toutes les pendules. Une voix là-haut me dit debout, mais dis-moi tout, marionnettiste. J'ai des ficelles à mon destin. Tu me fais faire des tours de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Mais dis-moi tout, marionnettiste. Mon cœur de bois soudain s'inquiète. Que fais-tu donc de tes artistes après la fête? L'Islandaise Emilia Torini devient célèbre à l'âge de 22 ans, dès son troisième album, un album intitulé Love in the Time of Science, en français L'amour à l'époque de la science. Le titre de cet album étant une référence au roman de Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra. Emilia Torini a depuis sorti quelques albums remarquables, dont Fisherman's Woman en 2005, Me and Harmony en 2008, oui, et Tuka en 2013. Oh là, ça craque. Aujourd'hui, c'est l'extrait de son album de 99, celui qu'il a révélé au grand public, que je vous propose d'écouter. La chanson que je l'extraite pour vous, c'est Easy. En français, ça veut dire facile. Je vous laisse pour 3 minutes et demie dans l'univers enchanté d'Emilia Torini. We take it easy, yeah. Et on passe maintenant aux années 2000 avec William Scheller. William Scheller qui en 2004, à 58 ans, nous prouvait, s'il en était encore besoin, qu'il avait toujours beaucoup de talent en sortant un très bel album intitulé « Épure ». Depuis, William Scheller a encore sorti « Avatar » en 2008 et « Stylus » en 2015. Mais aujourd'hui, c'est un extrait de l'album de 2004, « Épure », que j'ose écouter. La chanson que je choisis pour vous est de circonstance, puisqu'elle s'intitule « Chanson d'automne ». C'est une chanson pour l'automne, pour les jours où y a personne, quand la ville est sous la pluie. C'est une chanson que je te donne, tu jettes ou tu la fredonnes, elle me servira aussi. Si tu n'aimes pas trop la foule, si parfois comme moi la vie te saoule un peu, si tu te sens roulé en boule, ou si le mauvais sort te blaboule lors du jeu, n'oublie pas qu'on est deux. C'est une chanson qui consume les petits malheurs qu'on s'exhume, qu'on est tout seul à savoir. Quand on partage à la brune la solitude de la lune devant son grand écran noir. Si tu n'aimes pas trop la foule, si parfois comme moi la vie te saoule un peu, si tu te sens roulé en boule, si le mauvais sort te blaboule lors du jeu, n'oublie pas qu'on est deux. C'est une chanson que je te donne comme un gilet qu'on boutonne pour se réchauffer la vie. Libre. Hé, hey, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné? Envie de partager et animer ta propre émission? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2 à rue Roger Salengro, à 7700 Moucron. Ou par mail à bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. RQC. Et à 10h20, sur l'horloge du studio d'RQC, il est grand temps pour moi de vous proposer ma petite séquence classique de ce jour, de la musique classique. Aujourd'hui, c'est un musicien ayant vécu en partie au XVIIe siècle et en partie au XVIIIe que je vais évoquer pour vous. Il s'agit d'Antonio Vivaldi. Vivaldi qui était un grand violoniste doublé d'un extraordinaire compositeur. Hein. Lui qui pourtant était aussi prêtre dans l'Église catholique. Aujourd'hui, c'est l'extrait de ses célèbres 4 saisons que je vous propose d'écouter. Le morceau que j'ai choisi pour vous, c'est le fameux Allegro du printemps. Un morceau qui ne dure que 3 minutes et demie, mais qui est très connu. Hein, je vous dis en plus de par vous-même. Thank you. passer était donc le célèbre Allegro du printemps de Vivaldi que nous interprétait à l'instant I Musici di San Marco sous la direction d'Alberto Lizio. Et on passe maintenant à sa transition aux années 60 avec Michel Legrand. Michel Legrand qui a déjà 85 ans cette année et qui vient de se marier en 2014 avec son amour de jeunesse, l'actrice Macha Merrill. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Michel Legrand est le fils du grand compositeur et chef d'orchestre Raymond Legrand. C'est un grand musicien, un très talentueux, qui a déjà obtenu 3 Oscars pour les musiques des films qu'il a composés. L'affaire Thomas Crown en 68, Un été 42 en 71 et Yentl avec Barbara Streisand en 83. Alors, Michel Legrand poussait aussi parfois la chansonnette, hein, avec beaucoup de talent, avec sa voix si particulière. Je vous propose d'écouter La valse des lilas, une chanson qu'il avait composée en 65 sur des paroles d'Eddie Marnay et aussi d'Eddie Barclay. Vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes pour ces quelques pages de mélancolie. Tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas de mai n'en finiront. N'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment, s'aiment, s'aiment, s'aiment. Tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant. Bitterly, one duty dear, oh, and dear, oh, but I don't know. Wamba window, banded of Dandor, Dandor. Tant que tournera le temps, jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant. Le chanteur irlandais Gilbert O'Sullivan a désormais 70 ans déjà. Il rencontre le succès en 71, mais aussi vite son étoile est-elle grimpée au firmament de la chanson avec des tubes comme Nothing Rhymed, Get Down, Claire ou encore Alone Again Naturally. Ben aussi vite sa carrière commence déjà à péricliter dès la fin de l'année 73, en raison notamment des nombreux procès qu'il a intentés à sa maison de disques de l'époque. Hein. Aujourd'hui, on écoute une très belle chanson datant des débuts de Gilbert O'Sullivan en 71. Elle a pour titre Permissive Tweet. Oh, heaven help our Linda. She's really done it now. What's more, it's all so obvious. I mean, her stomach's sticking out. If father tells me mother, she's bound to have a fit, followed by a neat convulsion, thanks to our Mrs. Twit. She thinks his name was Ronald, or was it Sid or Len? The only thing that's certain is that it wasn't Bill or Ben. Our parish priest, God bless him, the very Reverend Father Pitt, will no doubt be preaching sermons to our dear Mrs. Twit. By now the word will no doubt have been heard by almost every bleeding nosy parker in our alley, all except that is our own great Aunt Liz, who I hear's been deaf since the day our grace recorded Sally, Sally, Sally. Unless we raise the money, she'll have to let it out. What I mean is she will have to have it the right way, wrong way about. In other words, let nature take its course and do its bit for the sake of those concerned with our own dear Mrs. Ooh, ooh, dear. Après Gilbert Sullivan, en 71, on passe à France Gall dans les années 80. En 87, la collaboration artistique entre la chanteuse et son mari Michel Berger est très fructueuse et ils enregistrent tube sur tube depuis pas mal d'années déjà. Parmi ces nombreux succès, j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui la chanson qu'avait écrite en 87, donc Michel Berger, en hommage à la grande chanteuse qui était Ella Fitzgerald. Cette chanson, c'est bien sûr Ella, Ella. Et là, on l'avait écouté en tout début d'émission la semaine dernière dans Patchwork. Hein. Bien. piano sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as. Bientôt 64 ans, Francis Cabrel s'est un peu retiré du milieu médiatique parisien et il est retourné vivre là où il est né, à Stafford, dans le Lot-et-Garonne, avec sa femme Mariette. Vous savez, Mariette, c'est la petite Marie, hein, c'était déjà elle, il y a 30 ou 40 ans. Et leurs trois filles aussi, dont l'une, Aurélie Cabrel, est aussi devenue chanteuse. De temps à autre, de plus en plus rarement désormais, Francis Cabrel revient à Paris pour faire la promotion d'un nouvel album. En 94, son album Samedi soir sur la terre avait connu un joli succès, avec notamment cette chanson intitulée La cabane du pêcheur, une chanson que parodiera Laurent Gérard sous le titre La cabane au fond du jardin. Où est-elle cette cabane? Je ne sais plus. Certainement ici. Ah non, elle n'est pas là. Elle est ici. Non plus, donc c'est ici. Voilà. Son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. Thank you. elle a dit justement c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Faire tous les bruits qu'elle veut. Y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Oh, elle m'a dit. Elle a dit justement c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit viens t'asseoir là. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Lana Del Rey sortait un très bel album intitulé Born to Die. Une certaine critique démolit alors l'album de Lana en prétendant que c'était un ensemble de chansons formatées, sur mesure, exprès pour plaire au public. Mais après tout, même si c'est vrai, n'est-ce pas le but de toute œuvre musicale de vouloir plaire, séduire le public, quoi, si on veut vraiment être honnête, hein. En tout cas, j'ose d'écouter la chanson éponyme de cet album, Born to Die, que j'aime bien personnellement. Born to Die, cela veut dire « né pour mourir » en français, mais assez bavardé comme ça. Je vous laisse pour 3 minutes en compagnie de Lana Del Rey. Is it by mistake? RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Et on poursuit ce 11e patchwork de la saison en recommençant une série de 6 titres, en débutant comme d'habitude par les années 50. En 54, Georges Brassens, qui commence enfin à se faire connaître du grand public, Georges Brassens donc décide cette année-là de faire un petit clin d'œil à ceux qu'il aime et un joli pied de nez à ceux qu'il déteste, en enregistrant cette chanson un peu provocatrice où il avoue la chose suivante, je le cite, c'est d'ailleurs « Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean ». C'est d'ailleurs le titre de la chanson, hein, « La mauvaise herbe ». Je vous laisse pour 3 minutes en compagnie de Georges Brassens, il y a pire comme compagnie. De gloire est arrivé comme tous les autres étaient crevés

Norman Smith est un musicien et un producteur britannique. C'était un proche du producteur George Martin, le manager des Beatles. Et il a travaillé sur les disques des Beatles depuis leur première audition, le 6 juin 1962, jusqu'à l'album Rubber Soul, qui est sorti en 1965. John Lennon le surnommait Normal Smith, car il avait un physique très banal. Hein. Norman Smith dirige alors aussi la réalisation des trois premiers albums de Pink Floyd, dont A House Full of Secrets et aussi Uma Guma. Norman Smith se vengera du surnom de Normal Smith que lui avait donné John Lennon en prenant le pseudonyme de Hurricane Smith, en français Smith l'ouragan, lorsqu'il décidera à chanter lui-même en 71. Le succès est immédiat malgré le physique ingrat du chanteur, avec notamment cette jolie chanson intitulée « Don't let it die », en français « Ne le laisse pas mourir ». Pourtant, Hurricane Smith finira bel et bien par mourir en 2008 à l'âge de 85 ans. Johnny Hallyday, qui va pas très bien en ce moment, a déjà plus de 55 ans de carrière alors qu'il n'a que 74 ans. Hein. En effet, il a débuté dans la chanson alors qu'il n'avait que 17 ans. En 60, il est l'un des premiers à populariser le rock et le twist en francophonie. On a souvent reproché à Johnny de céder un peu facilement au mode musical. En effet, il s'est frotté bien sûr au rock et au blues, mais aussi à la pire chanson de variété ainsi qu'au genre country. À l'époque des hippies, on a même vu chanter le Flower Power déguisé en hippie, c'est tout dire. Hein. Dès ses débuts, Johnny a été très décrié, puis on a bien été forcé de reconnaître par la suite qu'il était une véritable bête de scène qui transformait ses tours de chant traditionnels en véritable show à grand spectacle. Hein. Bizarrement, Johnny Hallyday n'a jamais réussi à s'imposer en dehors de la francophonie. Johnny a son actif 183 tournées, dont la dernière en date est celle des Vieilles Canailles pendant l'été dernier. Après qu'on lui a diagnostiqué en mai dernier un cancer du poumon au stade 2. L'album Gang était le 35e album de Johnny. Il est sorti en 1996 et a été composé et réalisé par Jean-Jacques Goldman. C'est un immense succès à l'époque avec des tubes comme « J'oublierai ton nom »,« Je te promets » ou encore « Laura ». Laura dédiée à sa fille, à la fille qu'il avait eue avec Nathalie Baye, Laura Smet. Aujourd'hui, c'est une autre chanson extraite de cet album de 96 qu'on va écouter. Elle s'intitule « L'envie ».

mer, comme un dieu pour la terre, l'un pour l'autre. Ça crève les yeux tellement c'est clair, l'un pour l'autre. Séparés, séparés, séparés, séparés, on ne le pourra jamais, oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Séparés, séparés, séparés, on ne le pourra jamais, oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Ils sont faits l'un pour l'autre, dans la foule qui avance. Romane Cerda a grandi à Montpellier où elle a travaillé à Europe 2. Ensuite, elle monte à Paris où elle se trouve un emploi à Europe 1, tout naturellement. Très vite, elle s'intéresse à la musique et elle compose elle-même des chansons qu'elle joue dans les bars parisiens. En 2002, elle rencontre Renaud à la Closerie des Lilas et elle l'aide à sortir de l'alcool dont il est très dépendant depuis 10 ans. Elle l'épouse en 2005 alors qu'il a 19 ans de plus qu'elle et elle lui donne un fils prénommé Malone. Renaud avait produit en 2004 le premier album de Romane Cerda. Romane Cerda qui est sorti en tout 3 albums, le dernier datant de 2011. Dans cet album de 2004, Renaud avait même chanté en duo avec sa nouvelle compagne dans cette chanson que je vous propose d'écouter maintenant et qui s'intitule Anaïs Nin. Paris, 14 avril. Ma vie est un exil, j'en vis des jours tranquilles à Clichy. Henri, volcan velours, bandit au souffle court. J'écris la nuit, le jour, tout mon amour, là dans mon journal. La douleur assassine Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine Anaïs Nin, a le diable au cœur. La douleur assassine Anaïs Nin, Anaïs. Miller. La pluie est un exil, elle coule des jours tranquilles à Clichy. Henri, j'ai le cœur lourd du gris qui nous entoure. Je crie depuis toujours tout mon amour, là dans mon journal. Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine Anaïs Nin, Anaïs. Miller. J'ai froid, le temps d'un taxi, et me voilà contre toi, Henri. Attends-moi, je te suis, peu m'importe si parfois la nuit nous trahit. Enfer ou paradis, apprends-moi l'interdit. Roman Cerda et Renaud qui évoquaient les amours torrides d'Henri Miller et d'Anaïs Nin. Maintenant, on passe à toute autre chose. On en revient aux années antérieures, aux années 60. Hein. Le clarinettiste et chef d'orchestre de jazz américain Benny Goodman était né en 1909 à Chicago. Il était connu pour avoir été le roi du swing. Benny Goodman est mort à New York en 86 à l'âge de 77 ans. En 1935, alors qu'il n'avait que 26 ans, il avait sorti un célèbre morceau intitulé « Santa Claus Came in the Spring ». En français, en gros, « Saint-Nicolas est venu au printemps ». Drôle de date pour le bon Saint-Nicolas. Hein. Comme demain est le 6 décembre, justement le jour de la fête de ce saint, qui est aussi le patron des enfants sages, je vous propose d'écouter ce titre sans plus tarder. Je vous laisse pour 3 minutes en compagnie de Benny Goodman et de Santa Claus, alias Saint-Nicolas, ou aux USA, le Père Noël. Thank you. Santa Claus came in the spring. Santa Claus came when the skies were blue. I heard his sleigh bells ting-a-ling the day that I met you. Santa Claus came in the spring, riding along through the daffodil, and I just saw him vanishing across the distant hill. I heard his reindeer on the ground. I thought I caught a glimpse of red, but suddenly I turned around and there you were instead. What if he hurried away? Santa Claus came when the skies were blue, and now it's Christmas every day because he brought me you. Santa Claus came in the spring, Saint Nicolas est venu au printemps, par Benny Goodman en 1935. Je souhaite un jour à l'avance une très bonne fête de Saint Nicolas à tous les enfants de Boucron et d'ailleurs. Et sans transition, donc on passe maintenant de 1935 aux années 60 avec Roger Whittaker. Roger Whittaker qui a aujourd'hui 81 ans. Il est né au Kenya car ses parents, qui étaient épiciers en Angleterre, avaient dû aller vivre dans un pays plus chaud à cause de la santé du père de Roger, qui avait été victime d'un grave accident de moto. Roger Whittaker veut d'abord être médecin, puis enseignant. D'ailleurs, il en avait tout à fait le look dans les années 60. De retour en Grande-Bretagne, à 23 ans, en 1959, il poursuit de sérieuses études de biologie, mais il chante aussi dans les clubs locaux. Et en 67, il obtient un premier succès mondial avec un morceau sifflé intitulé Mexican Whistler. Mais c'est comme chanteur-compositeur qu'il se fera ensuite connaître. Sa première chanson à entrer au top 20 en Angleterre s'intitule The Leaving of Durham Town. Comment j'ai quitté Durham Town en gros. À l'origine, la ville située par le personnage de la chanson devait être Newcastle, mais Durham sonnait beaucoup mieux. Hein. Roger Whittaker a eu de graves problèmes cardiaques en 2004. Guéri, il reprend la tournée, mais doit s'arrêter en 2007 pour raison de santé. Voici donc The Leaving of Durham Town de et par Roger Whittaker. Gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. Back in 1944, I remember Daddy walking out the door. Mama told me he was going to war. He was leaving, leaving, leaving, leaving, leaving, leaving. Now I gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. When I was a boy, I spent my time sitting on the banks of the River Tyne, watching all the ships going down the line. They were leaving, leaving, leaving, leaving, leaving me. I've got to leave old Durham town. I've got to leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. Last week Mama passed away. Goodbye son was all she'd say. There's no call for me to stay. So I'm leaving, leaving, leaving, leaving, leaving free. Now I've got to leave old Durham town. I've got to leave old Durham town. I've got to leave old Durham town. And that leaving's gonna get me. I've got to leave old Durham town. I've got to leave old Durham town. I've got to leave old Durham town. And that leaving's gonna get me. La la la la la. Le groupe Martin Circus a existé pendant près de 20 ans, de 68 à 88. Le succès ne vient que lorsque Gérard Blanc devient le chanteur du groupe. Je m'éclate au Sénégal, qui date de cette époque et que nous allons entendre dans quelques instants, date de cette époque-là. Et le disque s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires, ce qui est très très beau déjà. Ensuite, le Martin Circus participeront très activement en 1974 au premier opéra rock français, La Révolution française, composée par Claude-Michel Schoenberg. En 75, la production du groupe devient beaucoup plus commerciale et donc bien moins intéressante avec des reprises de Beach Boys, style Marilyn. Et puis c'est forcément le déclin après. Gérard Blanc s'en va de plus en plus souvent enregistrer des disques en solo. Il mourra prématurément en 2009. Voici donc, comme promis, Je m'éclate au Sénégal par les Martin Circus. Plus où est ma copine, le cheval avec qui j'ai fait. C'est donc avec Martin Circus que se termine ce 11e patchwork de la saison 2017-2018. Patchwork, une émission que vous propose votre ami, votre serviteur Michel sur RQC chaque mardi de 9h à 11h30. J'espère que la programmation de ce mardi 5 décembre vous a plu et que je vous retrouverai fidèle au rendez-vous donc mardi prochain dès 9h pour 2h30 de jolies chansons. Nous serons déjà le 12 décembre. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à venir et un excellent mardi. Et je vous souhaite en même temps un très bon appétit car c'est bientôt l'heure de se mettre à table, je pense. Ciao à tous et à toutes et prenez bien soin de vous.